Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, toujours Valérie Levé qui vous parle, et nous continuons notre séquence idées de sorties culturelles scientifiques, cette fois-ci avec les conférences déclic. Et pour en parler, je suis maintenant en compagnie de Valérie Borde, journaliste scientifique, animatrice et fondatrice du Centre Déclic. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors entrons tout de suite dans le sujet. Le Centre Déclic, c'est quoi ? Alors le Centre Déclic, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai effectivement créé il y a à peu près un an et demi, avec l'idée de créer vraiment des nouvelles occasions de rencontres entre des scientifiques et le grand public, avec l'aide de journalistes scientifiques ou de médiateurs qui peuvent un peu faire l'intermédiaire. Donc le Centre Déclic organise des conférences vulgarisées en différents endroits, avec il y a toute une stratégie en arrière en termes de quel public rejoindre, où rejoindre le public, de quoi parler, comment susciter des discussions. Donc c'est le Centre Déclic, c'est nouvel organisme-là. D'accord. Mais il y en a déjà des conférences grand public, des fois, par exemple, au Musée de la Civilisation ou dans certains lieux. Donc, en quoi les conférences Déclic se distinguent de ces autres conférences? Ben, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a l'idée d'aller essayer de rejoindre un public inhabituel. Donc, oui, le Centre Déclic présente des fois des conférences dans des bibliothèques ou même au Musée de la Civilisation. On en aura une prochainement. Mais on va aussi dans des festivals, dans des foires commerciales, toutes sortes d'endroits où il n'y a pas souvent des scientifiques qui présentent des conférences. Okay. Ça, c'est un premier élément. Donc, qu'on demande aux gens de venir au Exactement. Musée, c'est le journaliste et le conférencier qui va là où sont les gens. Exactement. Et qui ont Exactement. Une conférence un peu... On ne va pas attendre que les gens viennent vers nous, on va vers eux. Le deuxième aspect, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est des conférences qui sont données en duo et qui sont préparées par des vulgarisateurs scientifiques en collaboration avec les chercheurs. Mais il y a vraiment un très grand souci de vulgariser. Souvent, les chercheurs, il y a des très bons chercheurs conférenciers, mais il y en a aussi des moins bons. Puis, avec l'intermédiaire d'un journaliste, ça permet, d'un journaliste scientifique vulgarisateur, ça permet de s'assurer que le contenu est vraiment clair et pertinent pour le public. Parce que, vous savez, les journalistes, on part toujours de la perspective du public. Ouais. Alors que pour un chercheur, c'est très difficile d'opérer ce renversement de perspective. Ça, il a du mal à descendre. Tout à fait. Puis c'est normal. Pas parce qu'il est incompétent, là. C'est juste que c'est pas du tout son métier. Et c'est un très gros effort pour un chercheur de faire cet exercice-là. Et puis, le troisième volet aussi, c'est que le Centre Déclic, c'est un service aussi qu'on rend aux chercheurs qui, même s'ils sont nombreux et de plus en plus nombreux à vouloir parler au public, n'ont pas toujours le temps parce qu'on leur demande, beaucoup aux chercheurs. Puis aller donner des conférences grand public, ça demande de préparer les conférences, de trouver les occasions de les donner, de gérer toute la logistique, de savoir à qui parler, etc. Donc nous, on assume aussi toute cette partie logistique et entre guillemets service clé en main, avec l'idée que les conférences de faciliter beaucoup le travail pour les chercheurs, en particulier pour les jeunes chercheurs aussi, des fois qui ont un peu peur d'aller donner des conférences, qui savent pas trop, d'avoir on les encadre, pour pas dire que des fois on les materne aussi, on les aide à acquérir cette compétence de parler au public. Oui, parce que vous avez l'habitude de parler dans les conférences scientifiques, mais c'est pas du tout le même format, c'est pas le même contenu non plus. Et puis souvent les chercheurs sont pas très bien préparés à ça parce que ils le font pas souvent, puis ça s'invente quand même pas du jour au lendemain. Et en le faisant avec quelqu'un d'autre sur scène qui va pouvoir un peu faciliter les échanges, rattraper le chercheur quand il vulgarise pas bien, aider aussi des fois le public à reformuler ses questions, parce que c'est aussi parfois très intimidant pour du public de se retrouver face à des chercheurs, puis avoir peur de poser des questions niaiseuses. Un journaliste, ça a jamais peur de poser des questions niaiseuses, c'est son métier. C'est exact. Donc en fait, c'est une interaction, c'est pas le scientifique qui fait son discours, c'est une interaction entre le journaliste et le scientifique. Exactement. Et puis l'autre caractéristique aussi, c'est qu'on laisse toujours beaucoup de temps pour les questions avec les échanges avec le public. Souvent, dans les formats de conférences typiques, on va avoir, mettons sur une conférence d'une heure, on va avoir 50 minutes de conférence, 10 minutes d'échange. On a deux questions à la fin. C'est ça. Nous, on essaye de faire du moitié-moitié pour avoir vraiment parce que ça prend du temps pour que le public se mette en confiance, puis que les questions démarrent. Puis souvent, c'est un peu ça le problème, c'est que le temps que les questions démarrent, c'est fini. C'est exact. Donc, on essaye de contrer un peu ça. Mm-hmm. Donc, c'est un peu tout ça, le centre déclic. Ouais, donc, venons-en maintenant au programme. En fait, déclic, le centre déclic agit où? Un peu partout dans la province? Oui, tout à fait. Partout à travers la province, on essaye autant que possible d'être aussi présent dans les régions parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se tiennent à Québec et à Montréal. Mais, comme je vous disais, on saisit un peu toutes les occasions, toutes les opportunités. On a des conférences régulièrement à Québec. Hein, on est basé mm-hmm. à Québec. Mais on en donne aussi vraiment partout à travers le Québec. Une chose que j'ai pas spécifiée aussi, puis qui est importante de dire, c'est comment on se finance. Hein. Oui, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a quelque chose en arrière qui pousse telle communication. Exactement, exactement. Alors c'est sûr qu'en ce moment tout le monde veut faire de la communication scientifique parmi les chercheurs, etc. Mais ça prend de l'argent pour faire ça. On a eu la chance d'avoir l'aide pour démarrer et qui se poursuit des fonds de recherche du Québec, qui sont notre principal mm-hmm. partenaire. Bailleurs de fonds. On a aussi des subventions, des dons qui nous viennent des groupes de recherche, des chercheurs eux-mêmes des universités qui ont tout intérêt finalement à financer de la vulgarisation parce que si le public n'est pas capable de comprendre pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important de faire de la science, il n'y en aura plus de la science parce qu'aux prochaines élections, on va couper les budgets. Exactement. Hein. Ouais. Donc c'est ça. Ouais. Donc maintenant, venons-en à ce programme. Donc, qu'est-ce qu'il y a par exemple en ce moment? Alors par exemple, ce soir à 19h30, c'est la plus prochaine, là, c'est dans bientôt, c'est dans une heure et dix, là. Vous coupez CKRL, puis vous venez nous rejoindre, vous allez tout faire ça en ligne. On a une conférence à la salle Jean-Paul Tardif du Collège Saint-Charles-Garnier, donc dans le quartier Montcalm, mm-hmm. sur la rue Joffre, avec une professeure du Centre de Recherche du CHU de Québec, Ivona Rutkowska, qui est spécialiste en nutrigénomique et qui va nous parler... Un gros mot qu'on va expliquer, évidemment, mais qui va nous parler de nutrition personnalisée. Mm-hmm. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable d'avoir des conseils nutritionnels personnalisés? Mm-hmm. On sait qu'il y a le guide alimentaire canadien qui est comme l'espèce de grand point de repère, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? Comment on fait? Et qu'est-ce qu'on fait comme recherche? Où on en est dans la compréhension, par exemple, de comment on digère les aliments ou comment on métabolise les aliments versus c'est quoi notre génome ou c'est quoi notre microbiome là. Mm-hmm. Donc ça, c'est la prochaine conférence qui est ce soir, qu'on redonne la semaine prochaine. Dans les semaines à venir, à Québec, on va parler d'écotoxicologie au Musée de la Civilisation. Mm-hmm. On va parler de pharmacogénomique de nouveau à la salle Jean-Paul Tardy et puis ensuite à la bibliothèque de Charlebourg. On va parler de cellules souches. Mm-hmm. On va parler d'Internet des objets. Ah. On a pas mal de choses qui s'en viennent. Toutes les conférences sont présentées sur notre site internet centredeclic.ca. Puis il y a aussi, même en ce moment, pour donner un exemple aussi des endroits où vous allez, en ce moment, il y a plein de conférences où il va y avoir au Salon de l'Auto à Montréal. Exactement. Si jamais on a des auditeurs à Montréal. Si jamais vous avez une chance d'aller à Montréal d'ici la semaine prochaine, à partir de demain, on va donner 10 conférences au Salon de l'Auto de Montréal avec 6 chercheurs différents, 4 vulgarisateurs scientifiques sur des thématiques en lien avec l'automobile pour à la fois faire le point sur les connaissances et parler de ce qui se fait en recherche. Donc, ça donne gros programme. Ça donne une idée de l'éventail des sites où vous intervenez, donc dans les bibliothèques, aux musées, salons et des sujets qui sont abordés. C'est très, très varié, c'est certain. Et donc, pour trouver toutes ces informations-là, on regarde sur Déclic... centredéclic.ca, donc centredéclic, tout attaché, pas d'accent, pas de majuscule, rien, .ca, ou sur notre site Facebook. Il y a une page Facebook. Alors, merci beaucoup, Valérie. Et puis, peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure à 19h30. Donc, c'est au Collège Saint-Charles-Garnier. Exactement, sur la rue Joffre. Voilà, merci. Pour découvrir ce que sont ces conférences techniques. Donc, merci beaucoup, Valérie. Et puis, nous étions donc en compagnie de Valérie Borde, journaliste scientifique, animatrice et fondatrice du Centre Déclic.